Les nuits de France Culture. Philippe Garbi, Alban Penaranda, Mathilde Wagman, Hassan Mbechour, Virginie Mourtet. Nous sommes ensemble jusqu'à 6h30. La nuit rêvée de Marie-Paul Bell. Bonsoir Marie-Paul Bell. Bonsoir Philippe Garbi. Alors, lorsqu'une chanteuse est l'invitée des nuits de France Culture, ou plus exactement lorsque la nuit est offerte à une chanteuse, ses admiratrices et ses admirateurs s'enthousiasment à l'idée de l'entendre chanter. Et bien sûr, Marie-Paul Bell, que nous écouterons quelques-unes de vos chansons, anciennes ou récentes, mais il va vous falloir avant tout remplir le cahier des charges, alors c'est une expression qui n'est pas vraiment poétique, le cahier des charges de la nuit rêvée et de votre nuit rêvée, à savoir nous expliquer les raisons affectives, sentimentales, professionnelles, philosophiques, de vos choix d'archives. Alors vos fans ne s'étonneront pas de trouver Françoise Malégeorris et Michel Grisolia au programme, qui furent amis paroliers de vos tout débuts dans la chanson. Mais il y a aussi Klimt, mais il y a le Brochu, un fromage corse, mais il y a aussi la pensée tibétaine. Tout cela est très éclectique et sans doute auront-ils besoin, vos fans, donc de vos éclairages, de vos éclaircissements. Vous êtes d'accord pour les donner? Oui, bien obligé. Dans la mesure de mes possibilités, parce qu'il y a des domaines où je suis moins experte que d'autres. Ben oui, mais en tout cas, c'est des choix, c'est votre choix oui. D'archives, Marie-Paul. C'est ce qui m'attire, bien sûr. Voilà. Et moi, je pense qu'on pourrait commencer, avant même de donner le programme de cette nuit rêvée, parce que finalement, ça va venir au fur et à mesure de voilà, vous allez nous expliquer, nous vous raconter. On pourrait commencer par une image que j'ai trouvée dans un avoue nu que Martin Penney avait réalisé sur vous, avec ah, vous, oui, un bon souvenir. En 2012, sur France Culture. Vous évoquiez votre mère, un piano, et puis, dans une pièce voisine, votre père qui écoutait le oui. cœur des gens. Oui, c'est vrai, parce que mon père était médecin de médecine générale et le cabinet de mon père était dans l'appartement où nous vivions. Et mon piano d'études se trouvait dans ma chambre. Donc, dès que je rentrais du lycée, je venais, je faisais la fête avec les copains, j'improvisais, je transformais Chopin en jazz, Beethoven en rock'n'roll. C'était l'époque des Beatles, donc j'étais complètement fan absolu. Et voilà, et on faisait de la musique joyeusement. Et mon père, j'ai le souvenir de mon père sortant de son cabinet avec le stéthoscope autour du cou. Et il disait moins fort le piano, j'écoute le cœur des gens et j'entends ton piano dedans. Et ce qui m'a, j'ai gardé cette phrase dans ma mémoire et ensuite j'ai écrit une chanson où il écoutait le cœur des gens et il y avait mon piano dedans. Mais elle n'est jamais sortie, elle est dans mon ordinateur comme beaucoup de mes chansons en attente d'être connue ou complètement oubliée. Mais vous êtes compositrice Marie-Paul Bell, mais vous êtes aussi donc auteure. Oui, quand je ne peux pas faire autrement, quand j'ai un sentiment très fort et que je sens qu'il faut que je le dise avec mes mots à moi, bon, jusqu'à temps que j'ai accouché de la chanson complètement, je ne suis pas tranquille. Quelquefois, ça me prend même la nuit, c'est vraiment fou. Ça m'est arrivé, je pense à un souvenir très précis, quand Barbara nous a quittés. J'étais partie en province, et quand je suis revenue, que je suis arrivée à Roissy, dans le parking, où il y a de la musique au maître, j'ai entendu une chanson de Barbara et qui n'était pas très connue. C'était pas ni L'Aigle Noir, ni Dis quand reviendras-tu. Et c'était une chanson que j'aime beaucoup qui s'appelle Ce matin-là. Et je me suis dit, ça c'est un signe qu'elle me fait. Et après, à partir de cette minute-là où je me suis dit, où j'ai eu cette pensée, je n'ai pas cessé de penser à elle, donc je me suis dit, et là il faut que j'écrive. Et j'ai commencé à écrire un texte, tu aurais dû attendre un peu avant de partir, et que je te connaisse un peu mieux, le temps de te dire, etc. Et donc j'ai commencé comme ça, et pendant 3 jours, il a fallu que ce texte arrive. Donc c'est des moments privilégié où j'ai besoin de dire mes mots à moi. Ça peut être au moment d'une rupture sentimentale, quand on a un grand chagrin d'amour, qu'on pense que la vie est finie, à ce moment-là, on a besoin d'écrire, ou au contraire, quand on est très joyeux, ce sont des petites lumières comme ça qui nous arrivent, on ne sait d'où, comme la musique d'ailleurs, je pense que ça passe par le même canal. Et à ce moment-là, je m'exprime moi. Mais j'ai beaucoup, beaucoup de mal à écrire les mots parce que j'ai eu la chance d'avoir des très, très bons paroliers, des très bons auteurs. Et que quand on a un exemple et un modèle qui est vraiment magnifique, eh bien, on n'ose plus s'exprimer par les mots. Alors, on revient à son mode premier qui est la musique. Mais alors donc, avant de rencontrer Françoise Malégoriste, Michel Grisolia, qui allait être vos paroliers, Marie Bolbel, vous écriviez de la musique déjà à Nice, chez vous, au piano, tout en dérangeant votre père qui était dans la pièce voisine. Maman jouait très bien du piano. Et elle avait même hésité à choisir la carrière de concertiste. Puis bon, après, elle s'est orientée autrement. Et donc, elle m'a appris le piano elle-même très petite. J'avais 3 ans et demi et je ne savais pas lire. Elle m'apprenait les notes avec des couleurs d'eau, orange, ray bleu, mi jaune. Et comme elle avait souffert des études très rigides du piano, vous savez, dans le genre, pour faire apprendre les passages de pouce, on mettait une gomme sur la paume, le dos de la paume de la main, et on devait faire les gammes assez rapidement, et si la gomme tombait du dessus de la paume, elle recevait des coups de règle. Donc elle s'était dit, je veux absolument pas que ma fille vive ça, je veux qu'elle ait que du plaisir avec la musique, que de la joie avec son instrument. Et donc j'ai jamais fait le conservatoire, j'ai jamais fait d'études comme ça, avec des devoirs obligés. J'ai eu un professeur de piano pendant 11 ans et la consigne était qu'elle me gronde jamais, même si je travaillais pas, pour que j'ai que de la joie. Donc, étant donné que j'avais la chance d'être un peu douée, j'écoutais beaucoup d'oreilles, je regardais où le professeur mettait les mains sur le clavier et je reproduisais d'oreilles. Donc, pendant quelques temps, après, tout s'est dévoilé, mais pendant quelques temps, j'ai fait illusion en faisant croire que je lisais la musique, mais je ne la lisais pas et j'ai toujours travaillé d'oreille. Donc, très jeune, j'ai commencé à composer des chansons dès l'âge de 8-9 ans. Et quel genre de chansons ? Oh, ça a commencé par les berceuses pour mon petit frère qui venait de naître, ou vous savez, des chansons, même pas d'adolescentes. Mais après, comme c'était devenu un jeu d'enfant avec le meilleur ami de mon frère, qui s'appelait donc Michel Grisolia, et quand on était petit, au lieu d'aller jouer avec les copains à la récréation, d'aller jouer au foot, les garçons et les filles à la poupée, moi j'ai jamais eu de poupée, j'aimais bien jouer au jeu de garçons, donc au lieu d'aller jouer avec les copains, on faisait des chansons et on s'isolait comme ça autour du piano, et Gris-Gris, puisque Michel Grisolia, je l'appelais Gris-Gris, Gris-Gris écrivait déjà des petites pièces, des petites nouvelles, il allait beaucoup aussi cinéma déjà très jeune, parce qu'il était assez indépendant et libre jeune, et on écrivait à ce moment-là, quand on est arrivé à l'âge de l'adolescence, des chansons très très très lugubres, surréalistes et lugubres en fait, en regardant ma main vieillie et toutes ses veines qui se tordent, je pense à ce monde pourri, etc. Toutes des choses horribles. Et Gris-Gris, je me souviens, avait fait une chanson où il y avait « Je n'aspire qu'à la tombe » et ma grand-mère qui était toujours un peu loin dans son fauteuil, tout en noir, la grand-mère corse avec sa canne, et secouait la tête et disait « Mes pauvres enfants, c'est mal parti !» Mais je comprends mieux, Marie Bolbel, finalement, votre choix d'archives. Alors, il va y avoir Françoise Malégoriste, mais on en reparlera tout à l'heure, qui était dans l'émission « Tous les plaisirs du jour sont dans la matinée », une émission de José Pivin diffusée en 1961. Mais aussi, vous m'aviez parlé tout de suite, lors de notre premier entretien, de Damia, Yvette Guilbert, Marie Dubas, Berthe Silva. Alors, c'est pas vraiment votre génération, mais je comprends mieux. En entendant les textes des chansons de Gris-Gris et vos musiques, Marie Bolbel, finalement, vous reproduisiez ces espèces de chansons. Sont de diseuse. C'est ça, j'ai été nourrie à ça par ma grand-mère, parce qu'au lieu de nous raconter des histoires, elle nous chantait ces chansons-là. La grand-mère corse ? La grand-mère corse, elle nous chantait des chansons corses, en Corse, et des chansons à ce moment-là, des chanteurs, Regina et Bruno, et tout ça, des disques qu'on avait à la maison, et des berceuses corses que me chantait maman, pour même quand on était petit, pour nous endormir, mais aussi des chansons de Bert Silva, « Non, ne pleure pas, petite sœur chérie », et etc., ou « Les goélands », ou l'histoire du petit enfant riche et du petit enfant pauvre qui joue ensemble avec des soldats de plomb, et puis il y en a un des deux qui meurt, et puis alors le petit enfant porte sur la tombe de l'autre les petits soldats, « Je te le donne », et alors nous on pleurait, on disait encore, encore, et c'était ça nos histoires d'enfants, donc j'ai été nourrie à ça très jeune. Marie Dubas, on écoutera donc dans un magazine bleu, autoportrait de la chanteuse Marie Dubas, c'était diffusé en 1950 sur Radio Côte d'Azur. Oui. Et alors, finalement, quand vous avez décidé d'en faire votre métier, Marie-Paul Bell, vous êtes allée vers quoi ? Plutôt vers, au départ, un peu vers l'ironie, l'humour. Il a fallu vous quitter gris-gris, enfin, vous ne l'avez pas quitté puisqu'il a été votre parolier, mais en tout cas, les premiers textes dont on se souvient, ils sont plutôt, je sais pas, la Parisienne, Nosferatu. Oui, mais ça, c'est arrivé bien plus tard, oui, en fait, vrai, oui. Parce que, bon, entre-temps, donc j'habitais Nice, et j'ai participé à un concours de télévision, un télécrochet de l'époque. C'était pas la Starac, mais c'était le même genre. C'était assez drôle d'ailleurs parce que les gens devaient voter. C'était le public qui votait, mais il n'y avait pas les SMS. Mais ils se réunissaient dans des bars disséminés sur la Côte d'Azur, de Marseille à Monte-Carlo, et ils étaient un peu éméchés, on va dire, et ils votaient comme ça en regardant la télévision dans les bars et en disant celui-là, oui, celle-là, non, etc. Et de fil en aiguille, de semaine en semaine, j'ai gagné ce télécrochet au bout d'un an. Donc, ça m'a donné l'idée de chanter. Alors que j'étais étudiante, je faisais des études qui n'avaient rien à voir. Lesquelles ? Des études de psychologie. Parce que, étant donné que j'avais sûrement des problèmes d'adolescente comme tout le monde, je voulais me connaître un peu mieux et donc j'avais commencé par cette voie-là. Et après, j'ai essayé d'autres voies aussi, mais bon. Et donc, à la mort de ma mère, j'ai perdu ma mère assez jeune. J'ai pris l'excuse de continuer mes études à Paris pour finir mes deux certificats de maîtrise, parce que en psychologie à cette époque, au moment de mai 68, donc, les études de psychologie s'arrêtaient à la licence. Donc il fallait que j'aille ou à Aix-en-Provence ou à Paris. Donc j'ai choisi Paris parce que dans ma tête, il y avait les cabarets de la rive gauche. Et à ce moment-là, tout commençait par les cabarets de la rive gauche. Donc j'ai commencé à auditionner dans les cabarets. J'ai rencontré Françoise Malé-Joris à cette époque. On a formé un trio infernal avec Grigri et Françoise. Et là, on a commencé à faire des chansons drôles parce que, grâce à Françoise, je veux dire, j'ai connu l'humour dans la chanson parce qu'elle organisait des spectacles pour Noël, des spectacles genre des comédies musicales privées où ses amis et sa famille jouaient. Et c'était très, très, très drôle. Et de là, est née la Parisienne. Oui, parce qu'il y a aussi dans la deuxième partie de votre nuit rêvée, Marie-Paul Bell, Cora Vauquer. On terminera même votre nuit rêvée avec Cora Vauquer, un entretien avec Lucien Rioux qui date de 1971. Ah, oui. Mais vous m'aviez parlé, donc la rive gauche, l'Écluse, l'échelle de Jacob, Cora Vauquer, Maurice Fanon, Jacques de Broncard, Rissé oui, Marié. Oui. Et oui, c'est toutes ces personnages étaient dans les mêmes programmes que moi, et donc c'était des copains à l'époque, et on avait tous le même circuit. Et quand j'ai commencé à faire le circuit des cabarets, on était obligé d'en faire plusieurs pour gagner sa vie, parce que c'était très mal payé. Quand j'ai commencé à faire ce circuit-là, j'avais déposé mon sujet de thèse qui était « Angoisse et expression ». Et donc, quand j'ai commencé à faire du cabaret, je me suis dit « Mais tous ces gens sont très angoissés et ils s'expriment, c'est ça, je dois faire ma thèse dans ce milieu-là, etc. » Et donc, c'est comme ça que, je veux dire, j'ai beaucoup étudié le milieu du cabaret, le milieu des artistes, etc. Et bon, après, je suis un peu passée sur la rive droite, qui était déjà plus, comment on dirait, qui était plus ouverte sur le grand public aujourd'hui. C'était la rive droite, c'était la Tête de l'Art, c'était des salles plus larges. Et puis l'ouverture vers la possibilité d'être médiatisée. Alors je connaissais un peu d'angoisse et de café, mais je découvre cette nuit, Marie-Paule Blel, que votre sujet de thèse, c'était angoisse et expression. Oui. Voilà, comme quoi une thèse de 500 pages peut-être devient une petite chanson magnifique de 3 minutes. Mais je ne l'ai jamais présentée parce que je me suis arrêtée en route, étant donné que j'avais tellement de plaisir à chanter. On m'a même offert, je me souviens, j'étais toute jeune, une très très belle situation dans une boîte de marketing américaine. Donc j'y suis allée le lundi matin à 9h, je me suis présentée, je devais diriger le département de publicité pour rechercher les items qu'ils font acheter, etc. Et à midi, j'ai dit au revoir, vous ne me reverrez plus jamais, vous pouvez chercher quelqu'un d'autre. Et j'ai téléphoné à mon père à Nice en disant, je préfère auditionner à l'échelle de Jacob. Et là, évidemment, le cachet n'était pas le même puisque c'était 7,50 francs à l'époque. Voilà, une carrière ratée finalement, Marie-Paule Blel, voilà. dans le marketing ou dans le... Bon. J'en avais parlé après, des années après, à Bernard Pivot. Il m'a dit, mais pourquoi tu le présentes pas maintenant? 10 ans après, ça serait formidable, et tu fais venir les caméras et tu dis, en fait, tout ce que j'ai fait jusqu'ici, c'était pour faire ma thèse. Mais non, ça, j'ai dit, autant arrêter sa carrière tout de suite alors. Alors, je vous ai envoyé les émissions avant notre rencontre cette nuit, et Marie-Paule Blel, et dans Tous les plaisirs du jour sont dans la matinée. L'émission, on va entendre Françoise Malégeorris. Il est question, c'est pas ses tout débuts. Elle a déjà eu le prix Féminin en 1958. Elle est déjà très connue. Et puis elle vient parler de son dernier roman, Les personnages. Mais on revient sur le rempart des Béguines, oui. La chambre rouge, Cordélia, les mensonges, etc. Et alors, vous avez écouté cette émission et après vous m'avez appelé, vous m'avez dit cette voix être jeune. Ah oui, parce que c'est tellement pas la voix que... De Françoise que je connais, parce que moi je l'ai rencontrée des années après. Je l'ai rencontrée en fin 69, début 70. Et elle avait déjà cette voix un peu abîmée par la fumée des cigarettes, faut bien le dire. Elle parlait un peu comme ça, avec un débit très lent, très sensuel. Et comme elle fumait, elle respirait un peu à la Delphine Seyrig. C'était très envoûtant. J'étais fascinée, moi. Donc, ça m'a fait très bizarre d'entendre cette petite voix jeune. Et en même temps, ce phrasé qui est déjà le sien, parce qu'elle avait un phrasé un peu avec un accent de sa langue maternelle, un accent flamand, mais en même temps, ce phrasé chanté, parce qu'elle chante un peu quand elle parle. J'arrive toujours pas à en parler au passé. Et parce qu'elle est toujours là. Et donc, c'est ce qui m'a le plus frappé, c'est que j'ai une cassette, moi, à la maison, où elle m'a enregistré en 74, une cassette qu'elle avait enregistrée pour moi et qu'elle avait rangée dans un endroit particulier où je rangeais les cassettes proche de mon cœur, la cassette de la voix de ma grand-mère, la cassette de la voix de ma tante, de maman, etc. Et donc, elle savait où je rangeais ces cassettes-là. Elle a enregistré en 74 toute une cassette et elle l'a rangée là sans que je le sache. Et quelques jours, ça c'est extraordinaire comme histoire, d'ailleurs je pense que, je sais pas comment, je la raconterai parce que je trouve c'est merveilleux. Quelques jours avant sa mort, en rangeant des cartons, par hasard, mais il n'y a jamais de hasard, comme vous le savez, par hasard, je tire une cassette au hasard, et c'est cette cassette-là que je découvre. 4 jours avant sa mort, je découvre sa voix enregistrée en 1974, où elle me parle très sensuellement, des confidences très... très douce et en même temps des réflexions d'écriture, des réflexions sur son travail, donc des trésors vraiment. Alors évidemment, j'ai écouté ça, je me suis effondrée en larmes, mais c'était très fort. Donc si vous voulez, tout ça pour en revenir à votre question. Moi, j'ai ce timbre-là dans l'oreille et cette respiration-là. Donc, c'est en même temps elle et en même temps, c'est une autre personne que je ne connais pas. Ah oui. Et c'est, on a évidemment la voix de Françoise Malégeorris plus tardive, enfin, dans les archives de l'INA, mais j'ai pensé que c'était quand même, voilà, c'était quelques années avant que vous la rencontriez. Bien sûr. C'était charmant. C'était une voix. Elle est toute autre. Jeune, on sent, je dirais. Et en même temps, c'est extraordinaire parce qu'elle a toujours eu cette dualité en même temps. Elle avait un côté où elle était très sûre d'elle, très maîtrisée, très posée, et en même temps, cette angoisse, toujours sous-jacente, cette inquiétude, naïveté, on sent cette fragilité de jeune fille et en même temps cette solidité affirmée de l'écriture. Qu'elle a dans son écriture. On sent les deux choses dans ce qu'elle dit, j'ai trouvé. Alors, c'est la première émission que l'on écoutera dans quelques dizaines de minutes, Marie-Paul Bell. Donc, tous les plaisirs du jour sont dans la matinée, Françoise Malégeorris. Je me demandais, très naïvement, parce que quand on voit les premières chansons, comme ça, de Marie-Paul Bell, composées par Marie-Paul Bell, on voit auteur, Françoise Malégeorris, Michel Grisolia. Mais comment on peut être deux sur un texte qui fait 3 minutes. On était tous les trois réunis, toujours, quand on faisait des chansons. On prenait même des plages pendant plusieurs semaines pour se réunir dans une maison qu'on avait achetée ensemble, etc., pour se concentrer. Et en fait, la réunion des trois fait encore une autre personne. C'est-à-dire que tout ce que j'ai écrit avec Michel Grisolia seul ou tout ce que j'ai écrit avec Françoise Malégeorris seul, c'est encore autre chose. Mais ce qu'on a écrit à trois, c'est vraiment un esprit particulier, comme si c'était écrit par une seule personne. Parce que je me mettais au piano sur un brouillon qui était donné par l'un ou par l'autre. Je partais musicalement et puis après je leur donnais la rythmique avec le nombre de pieds, etc. Et eux rebondissaient l'un sur l'autre. Très très souvent, dans toutes les séances de travail que nous avons partagées, très très souvent dans des grands grands éclats de rire. C'était comme le jeu d'enfant qui continuait. On s'est amusé, mais comme des fous, même en écrivant des chansons sérieuses, parce qu'on cherchait, tout haut. Je veux dire, chacun des paroliers, des écrivains n'était pas enfermé dans sa tour d'ivoire en se disant j'écris, puis après on se montre notre travail. Non, on rebondissait l'un sur l'autre oralement et on notait, et en même temps, donc bon, il y avait beaucoup de choses à jeter, mais en même temps c'était très précieux parce que quand j'ai travaillé, j'ai toujours enregistré tout sur cassette audio à l'époque, et c'est comme ça que j'ai des tonnes de cassettes audio avec des séances de travail, et quand je les écoute c'est très dur parce que j'ai l'impression qu'ils sont là, quoi, je veux dire, et qu'on recommence, et je revis la naissance de chansons qui après ont fait leur chemin. Alors, par exemple, les toutes premières, quelle est la première sur laquelle vous avez travaillé à trois ou à une seule personne qui serait Marie-Paul Bell, Michel Grisolia et Françoise Malégeorris? Les toutes premières chansons qu'on a travaillées ensemble à trois, c'est les chansons du premier album. Les chansons avec La Mal à la Vague, Wolfgang et moi, des chansons qui sont moins connues comme L'odeur de l'herbe ou des chansons comme ça. Et ce premier album a été remarqué à l'époque parce qu'on avait eu le prix de l'Académie Charles Cros, le prix de l'Académie du disque, etc. Donc il y avait un petit courant sur nous, donc on était soutenu par France Inter à l'époque. Et après, ça nous a permis d'aller concourir pour le concours de la chanson francophone à Spa, qui était un concours très important où il y avait tous les pays francophones qui venaient participer à ce concours, et on a gagné cette année-là. Et alors après, j'ai sorti La Parisienne. Donc après, à partir de La Parisienne, toutes les chansons que j'ai sorties jusqu'en 81 étaient écrites ensemble. Mais à un moment donné, ou même très très vite, vous dites ça va être un tube. Pas du tout. Non, jamais. Jamais, jamais, jamais. Et même quelquefois, on pense qu'une chanson va marcher et elle passe inaperçue. Et puis, par exemple, la Parisienne, on pouvait absolument pas penser que ça marcherait, parce que on l'a faite à partir de, comme je l'ai dit tout à l'heure, à partir d'un spectacle privé qui était une comédie musicale privée qui s'appelait Le Sabot de l'Orpheline et qui se passait dans le milieu, dans les années 1900. Et pour ce spectacle, j'avais fait des musiques très Offenbach, justement, puisque c'était le sujet de la comédie musicale. Donc j'ai gardé la trame de ces harmonies-là et de ce dessin musical pour faire cette chanson avec Grigri et Françoise. Et donc on a fait la Parisienne, mais c'est sorti au moment du disco de Gloria Gaynor, tout. Et sur les ondes, on entendait que poum poum poum poum, et tout le monde dansait. C'était Saturday Night Fever, et c'était I Will Survive, et c'était tout ça. Et moi, j'arrivais avec mon petit je ne suis pas parisienne. Je me disais tout ça va s'écraser, ça va pas marcher du tout. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que les gens de province étaient très contents qu'on se moque des Parisiens, et les Parisiens, qui souvent viennent de province, étaient contents aussi, et même les Parisiens parisiens le voyaient comme une caricature et pensaient pas vraiment qu'on se moquait d'eux. Mais c'était vraiment un peu l'exagération de ce que j'avais vécu en montant de Nice à Paris. Enfin, puis c'était avant tout votre voix quand même, Marie-Paule Bell. Oui, c'était ma voix, et c'était... Et c'était aussi des sujets de l'époque qui 40 ans après, même plus, 45 ans, presque 40, oui, 40 ans après, sont encore plus d'actualité. Le Vélib, je vais draguer en vélo, maintenant il y a le Vélib, la psychanalyse a pris énormément d'essor, je veux dire, tout le texte est tout à fait contemporain. Le yoga. Oui, le yoga, bien sûr, aussi. Alors, et puis il y a eu, vous l'avez dit, donc il y avait Wolfgang, mais ça, il me semble, ça a tout de suite été pas un oui. tube décidé pour être un tube, parce que ça ne veut rien dire, mais c'est. Mais grâce à Philippe Bouvard, ça. Parce que, vous savez, quand on dit il n'y a pas de hasard, moi je pense, la vie m'a montré que quand vous avez une mission, entre guillemets, vous êtes fait pour quelque chose, bon, quelquefois vous n'ouvrez pas les bonnes portes, quelquefois vous passez à côté, mais il y a un moment donné où les rencontres se font, où vous êtes sur le même palier et où ça arrive. Et j'ai fait mon premier Bobino en 73, il y avait dans la salle Georges Folgoas, qui était le réalisateur de l'émission de Philippe Bouvard à l'époque, qui s'appelait Samedi Soir, et où c'était des rencontres il y a eu par la suite avec Le Grand Échiquier, etc. C'était des rencontres d'auteurs, d'artistes, de personnalités très différentes, et comme dans un salon, quoi. Et Philippe Bouvard présentait les personnalités entre elles et parlait, faisait un petit speech, etc. Et donc je suis passée à Bobino. Georges Folgoas m'a vue sur scène. Il en a parlé à Philippe Bouvard, qui m'a fait passer dans son émission, par hasard encore, parce que je ne devais pas passer. J'ai remplacé au pied levé quelqu'un qui a fait une défection. La règle de son émission, c'était de chanter un seul titre, qu'on soit connu ou pas. Et pour se venger de la personne qui avait voulu le laisser tomber, en se disant « il va sûrement regarder, pensant qu'il m'a mis dans l'embarras », il m'a fait chanter deux chansons alors que j'avais absolument pas de nom. Et j'ai été convoquée le jour où j'ai auditionné. Et donc, il m'a fait chanter « Wolfgang et Nosferatu ». Et alors là, du jour au lendemain, j'avais tous les journaux de télé qui me disaient « mais où est votre album? Qu'est-ce que vous faites ?» et tout. Mais je faisais rien, moi. Je chantais à l'écluse, je faisais du cabaret, je comprenais pas ce qui m'arrivait. Tout ça, c'était grâce à Philippe Bouvard. Donc, à chaque fois que je peux lui rendre hommage et le remercier, je le fais, parce que sans ça, je serais peut-être encore en train de faire du cabaret. Vous seriez retourné faire du marketing, peut-être, sur la publicité. Alors, vous avez choisi aussi, Marie-Paule Bell, dans cette première partie de votre Nuit rêvée, de nous faire entendre, parler de, on va pas l'entendre lui, de Klimt. Voilà, oui, c'est... parce que je connaissais pas ce peintre. Je l'ai connu grâce à Françoise. J'ai eu un coup de foudre, je veux dire, vraiment pour tout cet univers et c'est ce mystère et cette association des couleurs. Et j'ai eu la chance de visiter avec Françoise le palais Stockley à Bruxelles, où où il y a vraiment du clim partout. Et je veux dire, j'ai été fascinée, mais dans le détail, par exemple, il y avait le piano à queue, où il y avait des roses qui étaient sculptées dans les pieds du piano à queue, qui était le même dessin que la rose en ébène qui était sur les parois du mur avec de l'ivoire, etc., des motifs, et bon, évidemment, des très beaux tableaux, et tout cet art, cette époque-là, je veux dire, j'ai adoré. Et après, je me suis intéressée à l'art nouveau, je veux dire, et toute cette époque-là. Vous n'avez pas peint vous-même? J'ai commencé, mais j'ai tellement honte que je garde ça pour moi. Mais j'ai une fascination aussi pour Nicolas de Staël, donc j'ai essayé de mettre un peu des taches de couleurs sur une toile, mais ça s'arrête là. Mais c'est très délassant. Ah oui, vous m'aviez parlé d'un rouge très Nicolas de Staël. Ma toile préférée, c'est un piano, c'est une toile, je crois que c'est la dernière toile qu'a peinte Nicolas de Staël avant de se jeter dans le vide. Je crois que ça s'appelle Le Concert, et ça représente un grand piano à queue noire sur fond rouge. Et j'ai une fascination pour cette toile-là, et j'aimerais bien retrouver une reproduction pour la mettre dans mon salon. Mais j'arrive pas à trouver de reproduction. J'en ai d'autres qui sont très bien faites, où on sent presque la matière de la toile, ce qui est génial, je veux dire. Mais celle-là, j'arrive pas à la trouver. Je pense qu'il y en a en Angleterre, mais j'ai pas approfondi. Et sur les peintres, vous avez eu envie de chanter, de faire travailler vos paroliers? Non, ça s'est pas trouvé. Ah, vous ne faites pas une liste des professions qui pourraient donner lieu à une chanson, Marie-Paul Bell? Non, mais non, ça s'est pas trouvé. Mais c'est vrai que j'ai été attirée beaucoup aussi par des sujets qui ont été très peints par des peintres différents. Par exemple, le clown. Ma première chanson, celle que j'ai présentée justement dans le télécrochet quand j'étais toute jeune, c'était la première chanson que j'ai écrite, paroles et musique, s'appelait Le Clown, évidemment. C'est un thème, le clown triste, etc., qui est rebattu, c'est pas original, mais bon, quand on a 15 ans, on choisit pas trop. Je dessinais des clowns sur toutes les tables de sur mes bureaux d'école, et j'ai toujours été attirée par cette chose que je vis en permanence. Je fais rire, et en même temps je suis quelqu'un de très mélancolique, donc j'ai toujours été en osmose avec ce thème-là. Donc j'ai un clown chez moi d'un peintre flamand, un tableau que m'a offert Françoise, un tableau peint sur verre, donc il faut le penser à l'envers, hein, pour le peindre, d'un peintre flamand qui s'appelle Jaspers, et il est très beau, et j'ai une passion pour ce clown. Alors, votre première partie de votre nuit rêvée, Marie-Paul Bell, va commencer avec donc Tous les plaisirs du jour sont dans la matinée, émission de José Pivin, qui date de 1961, avec Françoise Malajoris. Magazine bleu, autoportrait de la chanteuse Marie Dubas, entretien de 1950, puis Peinture fraîche, Gustave Klimt et les femmes par Jean Dève, une émission qui date de 2003. Mais on ne va pas terminer cette première partie, évidemment, sans vous écouter chanter. Seul au fond de mon manoir, perché sur un piton noir, j'attends ta venue. Et pour cela je suis nue, ma peau vibre sous le drap, viendra, viendra pas. Nosferatu, quand viendras-tu boire mon sang et ma vertu? Nosferatu, comme je dors à point fermé, je ne peux pas deviner à quelle heure tu viens. Mais quand au petit matin, dans ma glace, je me vois pâle, c'est le principal. Nosferatu, c'est que t'es venu boire mon sang et ma vertu. Nosferatu, avec du sang frais, y a un mot d'amour. Où tu dis que tout le jour tu attends le crépuscule pour mes petits globules. Nosferatu, tu es venu voir mon sang et ma vertu. Nosferatu. Mais ce que je ne savais pas, c'est que tu étais papa d'un drôle de prince qui est venu me voir après toi. Et depuis pour lui j'en pince, j'aime Dracula. Nosferatu.